Une année de transition. Peu après son retour de Suisse allemande, Faustine Bagneau d'Anville avec maman afin de refaire sa garde-robe et préparer la rentrée. Papa et Stéphane les ont emmenées aux portes de Bruxelles avec la Peugeot 404. De là, elles ont pris un taxi vers le centre. Elles passent 2 heures à arpenter la rue Neuve en long, en large et en travers. Puis elles s'installent dans un joli petit restaurant. Tout à l'heure, après le repas, elles iront au cinéma. Ainsi, la fête sera complète. Faustine jubile. Elle a sa maman pour elle, toute seule. C'est tellement rare qu'elle ne peut s'empêcher de la regarder sans arrêt, au point que celle-ci la raboue un peu, lui expliquant que ça ne suffit pas de fixer les gens. Après le ciné, papa est venu les rechercher, et une fois rendues à la maison, les filles lui ont fait un véritable défilé de mode. Dans quelques jours, c'est la rentrée. Faustine est fin prête. Lundi matin, la lycéenne attend le bus en haut de la rue. Le trajet ne dure qu'une demi-heure, arrêt compris. Elle se plonge dans son livre, histoire de poser une barrière entre les autres et elle. Se rendre invisible, garder profil bas, ne pas provoquer, c'est ce qui lui réussit le mieux au début. Comme à chaque rentrée scolaire, surtout dans une nouvelle école, elle a la boule au ventre. Heureusement, jamais très longtemps. On verra quand on y sera, reste sa philosophie. En général, elle arrive assez bien à occulter ses inquiétudes ponctuelles. Dans la cour de récréation du lycée, elle regarde autour d'elle. Un groupe de filles dans un coin a manifestement quelques années de vie commune. Depuis la maternelle, sans doute. Pareil pour les garçons dans le coin opposé. Et sinon, quelques électrons libres à droite et à gauche, mais personne de fréquentable a priori. Ah, si, une fille s'approche qui semble de son âge. Deux regards s'accrochent, amis, ennemis, un sourire un peu timide. Dans quelle classe t'es ? Comme moi. Et on part en quête de la classe en question. L'autre nouvelle s'appelle Ruth. Elle s'assied à côté de Faustine. Les voilà deux, chiffres magiques, signes invincibles et prêtes à affronter le monde. L'avenir se présente bien, l'année scolaire aussi. La prof principale est celle de français, une accorte personne au rire franc et à la voix agréablement maternelle qui instaure tout de suite un climat rassurant. La classe est petite, moitié fille, moitié garçon. Tous remplissent les sacro-saintes fiches de la rentrée. Profession du père, de la mère, et bla, et bla, et bla. On vérifie la liste du matériel indispensable. Compas, rapporteur, règle de 30 cm, gomme, crayon HB, stylo, cahier, etc. On note soigneusement le matériel supplémentaire requis par ce professeur en particulier. On court chercher les livres chez le responsable de la librairie scolaire, et on passe au suivant, le prof de mathématiques. À midi, on se retrouve au réfectoire, on fait connaissance avec le reste de la bande. À 4 heures, il y a ceux qui rentrent chez eux. Ceux dont les parents travaillent tard restent à l'étude, dont Faustine, qui termine tous ses devoirs avant de prendre le bus de 18 heures. Il y a ceux qui ont les moyens de s'acheter un goûter. L'assiette de tartines à la confiture, accompagnée d'un verre de lait, ne coûte que 7 francs. Il est rare que maman pense à les donner à Faustine, et c'est la généreuse Ruth qui partage sa part la plupart du temps. Faustine se sent très bien dans cette école. Elle y obtient ses premiers succès en français, avec lecture de ses rédactions devant toute la classe. Par contre, en maths, ce n'est pas fameux, au point que ses parents lui offrent des cours particuliers avec sa prof, le temps qu'elle raccroche les wagons. La jeune femme est très sympa et vient jusque chez elle tous les samedis matins. Elle est bonne pédagogue. Avec elle, Faustine prend goût aux maths modernes et tout rentre vite dans l'ordre. Un soir de fin d'automne, alors que la fillette attend dans la cour de pouvoir prendre son bus, un garçon de sa classe qu'elle avait à peine remarqué la surprend avec un baiser sur la bouche. Serait-ce le début d'un nouvel amour ? Faustine est flattée, bien sûr, et elle se croit amoureuse. Il s'appelle Bernard et vit à Braine-l'Alleud. Il aimerait bien revoir la jeune fille ailleurs qu'à l'école. Après moult palabres et téléphones, maman organise une rencontre à la cafétéria du centre commercial de Braine-l'Alleud un samedi matin. Rendez-vous est pris. Les parents de Fonstine font leurs courses, non sans avoir inspecté le jeune homme des pieds à la tête. Ils laissent le bébé couple devant le marchand de glace. Ils reprendront Fonstine à la sortie. Après le moment de complicité qui consiste à se composer une glace la plus farfelue possible, les amoureux savourent leur coupe en silence. Faustine est un peu déçue que son ami ne soit pas plus bavard. Comme dans la cour de récré, par exemple, quand il essayait de la convaincre de sortir avec lui. Déjà qu'il n'est pas très beau, cheveux filasses et léger strabisme, il pourrait au moins s'arranger un peu, pense-t-elle. Elle a assez lu Angélique Marquise des Anges. Elle sait comment un homme, balafré ou non, doit se comporter. Le jeune homme arrive à sortir quelques platitudes avant la fin de la rencontre et, en lui disant au revoir, il invite Faustine à son anniversaire. Chic, sa première boum. À 13 ans, c'est chouette. L'événement est traité avec tous les égards qu'il mérite. Ainsi, dans une jolie robe, toute pomponnée, Faustine est déposée devant chez Bernard le jour dit. La fête a lieu dans la cave du jeune homme, transformée en nightclub. Il y a une dizaine de jeunes gens que Faustine ne connaît pas, garçons et filles. Du coca, des chips et des cigarettes. Faustine déborde d'enthousiasme, comme toujours, et se rue sur les plaisirs. Elle boit. Le coca, coupé au rhum, n'est pas innocent. Il fume, trop et mal. Elle prend toute la place dans une danse endiablée, puis elle exige des slows parce que l'alcool la rend sentimentale. Elle finit par lasser la compagnie qui l'expulse au premier, voir si elle y est. Dans le monde des adultes, Faustine se reprend. Elle trouve le chemin du congélateur bourré de glace, toutes plus alléchantes les unes que les autres, et s'en donne à cœur joie. Elle n'a pas fini de les goûter quand ses parents passent la chercher. Elle est au bord de la nausée et pue la cigarette. Maman se fâche. Pourtant, elle est fumeuse. Et ramène sa fille, lui disant que c'est la première et dernière fois qu'elle la laisse participer à une boum sans surveillance. Exit le Bernard de sa vie. Au printemps, maman, qui aborde sa 36e année, se fait opérer d'un fibrome. Elle explique à Faustine qu'elle avait tellement envie d'avoir un troisième enfant que son corps lui en a fait un faux. Maintenant, des chirurgiens sont obligés de lui enlever la fabrique à bébé qu'elle a dans le ventre. Le terme hystérectomie est encore étranger à l'adolescente. Elle n'en perçoit pas toutes les implications. L'idée que maman ne pourra plus jamais avoir d'enfant est terrible. Faustine le ressent aussi. Elle aurait adoré une petite sœur. Elle commence à percevoir le côté définitif de certaines choses de la vie. Les mots « plus jamais » sont parfois douloureux. Maman aussi est triste, mais elle n'a pas le choix. Elle essaie de se montrer bonne joueuse et se prétend satisfaite d'avoir Faustine et Stéphane. L'opération se passe. Malheureusement, le chirurgien doit recommencer une semaine plus tard. La première cicatrice n'a pas tenu. Résultat, il rouvre et il recoue. La convalescence dure plusieurs semaines, pendant lesquelles maman souffre beaucoup. Papa se débrouille comme il peut, seul, avec les enfants. Il les place tantôt à Saint-Ferdinand, tantôt chez Mademoiselle Lec, ou encore dans une pension qu'il a découverte à Waterloo. Tous les samedis après-midi, il les emmène embrasser leur maman. Trois petits tours et puis s'en vont, il ne faut pas fatiguer la malade. Ensuite, papa reste seul avec sa femme et les deux gamins s'ennuient pendant des heures dans le couloir pisseux de l'hôpital, entre la machine à boisson, évidemment interdite, et les cages d'ascenseur. Enfin, maman rentre à la maison. Pendant plusieurs semaines, elle ne doit rien porter ni fournir d'efforts. Les enfants sont aux petits soins, l'aidant comme ils le peuvent. Pendant sa convalescence, elle s'occupe en habillant des paniers, comme son amie Daisy le lui a appris. Maman est douée, elle a du goût. Les garnitures molletonnées s'empilent, plus jolies les unes que les autres. Le samedi, papa les propose en dépôt dans les magasins de Braine-l'Alleud, à proximité du Lion de Waterloo, place touristique s'il en est. À voir les commandes qui affluent, ça plaît beaucoup. En juin, autour d'un nouveau spaghetti mémorable, papa apprend aux enfants que la tante Louise de Vevey, qu'ils ont à peine vue deux ou trois fois, est décédée l'an passé. Désormais, l'héritage a été partagé. Ils sont riches. En conséquence, ils vont bientôt déménager sur la Côte d'Azur. Le rêve de toujours du paternel. Là-bas, après les vacances, on cherchera du travail. Mais avant cela, il faut emballer les affaires, remplir les cartons. Papa compte sur l'aide des enfants puisque maman ne peut toujours rien soulever. Fin juillet, la maison est quasiment vide. Faustine va bientôt partir à Bâle chez l'oncle Valti. Papa, maman et Stéphane la rejoindront comme prévu dès que le camion sera parti au dépôt. Ils resteront deux ou trois jours dans la cité rhénane avant de rouler vers le sud. Faustine effectuera le premier trimestre scolaire dans une école publique suisse-allemande. Ainsi, ses parents s'installeront en toute tranquillité. Faustine soupire un peu, par principe. Elle regrette de ne pas partir avec eux. Mais comme elle a l'habitude d'être seule et libre, désormais, elle se réjouit des nouvelles expériences hors tutelle. Sans compter qu'avant Noël, elle sera en France elle aussi. On le lui a promis.